Marilyn, Marilyn, quel est le film, le scénario qu'il te faut tourner de nouveau? Et dans quel néant s'illumine le néon de ton nom, Marilyn? Avais-tu donc le cœur si las que tu préfères l'au-delà, l'eau si bleue de ta piscine? Oh Marilyn, Marilyn, le talent payé à prix d'or, la beauté en technicolor, et le soleil californien, non, tout cela ne sert à rien quand on voit l'envers du décor. Ça tourne mal, ça tourne court, nos rêves, nos joies, nos amours, l'espoir comme un vieux magazine a glissé de tes doigts, Marilyn. Nos vies ne sont qu'un bout d'essai. Pour qui, pourquoi, Dieu seul le sait, toi qui connais la fin du film, dit Marilyn, est-ce un baiser, dit Marilyn, est-ce un baiser?